Avant de vivre ici, j'ai connu quelques mondes. Bien sûr celui qui brille et qui inonde de fleurs de pacotille, les grands comme les immondes. Dans ce drôle d'élevage où les dindes farcies côtoient les oies sauvages, les farines où on se roule ne sont pas animales. Et devant la vitrine, la foule, pas toujours amicale. Et si on te demande, dis-leur, oubliez de m'attendre, car ici c'est ailleurs, ailleurs l'aide. Et si on te demande, dis-leur, je travaille de mes mains, je regarde le ciel, je vais à l'essentiel, ailleurs l'aide. Avant d'être avec elle, j'ai connu quelques filles. Parmi les plus belles, celles qui scintillent, qui font des étincelles quand on les déshabille. Ces grands gibiers de course, ces perles de magazine, toujours cotées en bourse, offraient des avantages. Images à deux dimensions, en long, en large, mais pas trop en profond, oh la belle illusion. Et si on te demande, dis-leur, oubliez de m'attendre, car ici c'est ailleurs, ailleurs l'aide. Et si on te demande, dis-leur, je travaille de mes mains, je regarde le ciel, je vais à l'essentiel, ailleurs l'aide. Ici tu vois, on est loin de tout ça. Et toi, tu retournes là-bas. Moi je reste. Tu dis, tu me regretteras. Moi, je ne me regrette pas. Et si on te demande, dis-leur, oubliez de m'attendre, car ici c'est ailleurs, ailleurs l'air. Et si on te demande, dis-leur, je travaille de mes mains, je regarde le ciel, je vais à l'essentiel, ailleurs l'air. Et je sais, loin des hommes, de redevenir humain. Ici c'est ailleurs, ailleurs l'Inde. Ici c'est ailleurs.